le 10 août. Livre audio gratuit, un texte historique de Georges de Cadoudal. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence Creative Commons. Le 10 août 1792, un grand crime, un crime irrémissible, fut accompli par l'infernal génie des révolutions. La royauté, qui avait créé une autre nationalité, qui avait élevé la France au sommet de la puissance et de la gloire, succomba en quelques heures, sous une coalition de sophistes et de rhéteurs, de faubouriens et de repris de justice. Cette journée livra la clé de nos destinées aux plus vils des hommes. Elle rendit possibles les crimes de septembre et de janvier. Elle fut la préface sanglante de la terreur. Elle inaugura dans notre histoire l'ère des coups de force et des coups d'État. Elle consacra enfin la prédominance des minorités violentes sur la masse paisible du peuple de Paris sur la France, des faubourgs sur Paris, de quelques scélérats sur les faubourgs. Nulle journée révolutionnaire n'a été plus défigurée par les historiens. Plusieurs alluvions de mensonges d'une étonnante épaisseur ont passé dessus, dit Michelet, qui n'a pas peu contribué à grossir la couche de ces alluvions et à enfouir la vérité. Comme tous les grands faits, comme toutes les grandes journées de la Révolution, comme la prise de la Bastille, les 5 et 6 octobre, les volontaires de 92, la fête de la Fédération, la fuite de Varennes le 20 juin, etc., le 10 août a eu sa légende, à laquelle les historiens ont fini par donner une sorte de consécration. Pour la plupart d'entre eux, qui se sont faits les héros de la Révolution, et notamment pour Messieurs Thiers, Michelet, Louis Blanc et Perrat, le 10 août a été une explosion héroïque de vengeance et de patriotisme populaire, exalté jusqu'au délire par la nouvelle de la déclaration de Brunswick et par les trahisons de la cour. Le peuple n'a point obéi à un mot d'ordre, il s'est soulevé spontanément, ne prenant conseil que de sa colère, de son honneur et de son droit. Il était lui-même le cœur, la tête et le bras de cette révolution où s'engloutit un trône 10 fois séculaire. Il a pris d'assaut les Tuileries et, massacré traîtreusement par les Suisses sous les voûtes du palais, il a payé au prix de 5 000 cadavres une victoire nécessaire, sans laquelle la France eût été livrée à ses ennemis. Telle est la légende. Hier encore, des feuilles héritières des traditions jacobines la reproduisaient à l'usage de leurs crédules et par trop naïfs lecteurs. Après avoir célébré ces grands souffles révolutionnaires qui soulèvent et roulent les populations avec une puissance irrésistible, elles osaient glorifier le 10 août comme la commémoration d'un grand fait patriotique et d'un acte de consécration nationale. À ces déclarations impudentes et mensongères, nous venons opposer l'histoire dans sa simplicité et telle qu'elle ressort des plus scrupuleuses et des plus récentes investigations. Voici la vérité sur le 10 août.